Quand un copain est avec toi, oublie les filles, oublie les filles. Y en avait une qui t'attendra. Oublie les filles, oublie les filles qui nous font si mal quelquefois. Oublie les filles, oublie les filles. Quand un copain est avec toi, oublie les filles, oublie les filles. Quand un copain est avec toi, chantez les filles, chantez les filles pour être d'accord avec moi. Chantez les filles, chantez les filles pour être d'accord avec moi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oublie les filles, oublie les filles, ne va pas perdre la raison. Quand une fille rentre avec toi à la maison, oublie les filles, et souviens-toi de la chanson. La plus gentille, la plus gentille veut mettre ton cœur en prison. La plus gentille, la plus gentille veut mettre ton cœur en prison. Chantez les filles pour être d'accord avec moi. Chantez les filles pour être d'accord avec moi. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la la, la la la la, la la la la. La la la la, la la la la la. Oublie les filles, mais si vraiment tu ne peux pas. Oublie les filles, mais si l'amour est déjà là. Trouve une fille, garde une fille, et surtout ne m'écoute pas. Trouve une fille, garde une fille, on y sait bien entre ses bras. Trouve une fille, garde une fille, ni tes copains vont t'attendre. Chantez les filles, vous êtes d'accord avec moi. Chantez les filles, vous êtes d'accord avec moi. Chuyện con gái đừng mang chi nữa, khi ta có sẵn lũ trai đầy rồi. Đàn bà rắc rối giận mình than ôi, chỉ còn ai đó nhớ thương vời vợi. Quên bao cô gái, quên bao cô gái, khi cô con gái bắt ta khổ đau. Quên ngay đi nhé, hãy lên làng xa, bạn bè của ta có ngay trong nhà. Khi trông thấy gái hãy lên làng thính, vì rằng bạn trai vẫn luôn bên mình. Quên đi cô mình lỡ đáng vô tình, xin chớ nghe lời của trái tim non. Khi đi trên hè thấy mái tóc thề, xin nên nghe lời của bạn hiền nghe. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la, la la la la, la la la la la. Về chuyện con gái đừng mang chi nữa, không nên nhắc tới ghét yêu mơ màng. Đàn bà quên ta thì mình nên xa, chỉ còn ai đó biết ta mong chờ. Về chuyện con gái đừng mang chơi nữa, nên nghe câu hát khúc ca nghìn năm. Trong muôn cô gái có cô nào không, để làm cho ta ngất ngây trong lòng. Trong muôn cô gái có cô nào không, để làm cho ta ngất ngây trong lòng. Không nên mơ mộng, xin chớ đi buồn, xin chớ mong chờ tình đến mông lung. Khi mang trong lòng mơ ước khao nguyện, xin nên nghe lại lời bạn nhu khuyên. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Về chuyện con gái đừng mang chi nữa, nhưng khi ta chót mê say yêu người, cuộc tình đầy vơi mình còn chưa nguôi, vì chuyện yêu đó chưa tràn một đời. Quen ngay cô gái, quen ngay cô gái, quen cô con gái mắt xinh miệng tươi. Quên tôi đi nhé, hãy quên lời khuyên, vì rằng tình yêu vốn hay mù loà. Quên tôi đi nhé, hãy quên lời khuyên, vì rằng tình yêu vốn hay mù loà. Quên câu ơ thơ, câu nói nghi ngờ, xin cứ yêu đi đời vốn bơ vơ. Yêu ngay bây giờ, yêu tới bao giờ, yêu cô gái đẹp thực là nên thơ.